Après avoir répondu assez évasivement aux questions du Parlement européen hier, notamment suite au scandale de détournement de données par Cambridge Analytica, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a été reçu aujourd'hui avec les patrons d'autres géants du numérique comme Microsoft, IBM ou Uber par le président de la République, Emmanuel Macron. Ce, à quelques jours de l'entrée en vigueur du RGPD, le nouveau Règlement Général de Protection des Données, censé protéger les citoyens européens contre l'exploitation abusive de leurs données numériques. Mais les États et les pouvoirs publics sont-ils en mesure de lutter à armes égales avec ces mégatrusts privés ? Données personnelles, souriez, vous êtes traqué. C'est le sujet auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre les implications de cette nouvelle RGPD, de ce nouveau RGPD, puisque c'est un règlement qui entre en vigueur donc vendredi, et plus généralement de nos usages d'Internet et de l'emploi que nous faisons de nos données personnelles et d'une partie de notre vie privée, nous avons eh bien, le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Debay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de droit privé, droit des nouvelles technologies, droit de la santé et droit civil à l'Université Paris-Descartes et ancienne membre de la CNIL. Bonjour Antoinette Rouvroy. Bonjour. Vous êtes juriste et philosophe du droit, professeur à l'université de Namur, chercheuse FNRS au Centre de Recherche en Information, Droit et Société. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture et en complément avec un certain nombre de liens, d'articles, de schémas, de graphiques s'il le faut, de vidéos, d'images, bref, tout le toutim, ce sera sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Est-ce que vos données étaient incluses dans la fuite de Cambridge Analytica ? Vos données personnelles. Oui. Seriez-vous prêt à changer votre business model dans l'intérêt de défendre la vie privée des usagers ? J'espère. Enfin, on a déjà tenté quelques modifications afin de réduire... Non. Avez-vous la volonté de changer votre business model afin de garantir et protéger la vie privée ? Madame la députée, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Voilà, c'est un extrait de l'audition de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Alors, c'était devant le Congrès américain et non pas devant le Parlement européen où il s'exprimait hier, parce que c'est vrai que devant le Parlement européen, il a été un peu moins mis à mal qu'il y a quelques semaines où sa prestation devant le Congrès américain avait été jugée embarrassée et embarrassante. Que faut-il retenir des auditions de Mark Zuckerberg devant le Parlement européen hier au premier chef et plus généralement devant ses assemblées représentantes des citoyens élus, Annette Rouvroy. Alors, le format de l'événement, finalement, n'a pas nécessairement permis de faire toute la lumière sur précisément ce vis-à-vis de quoi on espérait que Mark Zuckerberg ferait la lumière. Il se fait que pendant extrêmement longtemps, les représentants ont posé des questions, beaucoup de questions, pas toutes du même niveau, pas toutes aussi détaillées, pas toutes aussi pertinentes, certaines plus intéressantes que d'autres. Et puis, on a laissé à Mark Zuckerberg la liberté de choisir les questions auxquelles il répondrait. Vous parlez du Parlement européen, là, pour le coup, ce qui s'est passé hier, oui. Et il a choisi, effectivement, de répondre relativement évasivement à certaines questions en indiquant que ses services reviendraient éventuellement par écrit pour compléter ses réponses. Donc, c'était un peu décevant. Votre opinion, Anne Debay ? Oui, j'ai la même opinion. Ce qu'on peut espérer, c'est que parallèlement à ces auditions, il y a quand même des enquêtes qui ont été ouvertes par les autorités de protection des données qui se sont saisies de la question. Le G29, qui est la super CNIL européenne, a décidé de poser des questions. Et l'ICO, l'autorité de protection des données britannique, puisque la société était installée en Grande-Bretagne. Cambridge Analytica, oui, en l'occurrence. Ça, hein. Voilà, a décidé de mettre en œuvre une procédure d'enquête. Et donc, on peut espérer qu'à la suite de ces procédures, il y aura peut-être des sanctions, enfin des modifications des pratiques liées aux sanctions. Donc, on a une phase qui est une phase politique et on peut espérer qu'une phase plus juridique devant les autorités de protection sera suivie des faits concrets. Et puis, on va voir d'ailleurs, on va en parler dans quelques minutes, hein, que ce RGPD, il y a certaines associations, dont des associations en France, qui attendent qu'il entre en vigueur pour intenter aussi un certain nombre d'actions en justice, je pense à la quadrature du net, on y reviendra tout à l'heure dans le détail. Peut-être un mot sur la suite de cet agenda ou de cette partie politique de l'agenda, puisque je le disais tout à l'heure, Mark Zuckerberg a été reçu, il n'était pas tout seul, avec les patrons de Microsoft, d'IBM, d'Uber, des représentants de Google, de Wikipédia, d'Intel, de Samsung et j'en passe. Bref, tout ce monde a été reçu à l'Élysée, par, alors pas exactement à l'Élysée, mais en tout cas par le président de la République, même dans des entretiens bilatéraux. Alors on qualifie en général d'entretiens bilatéraux des entretiens avec des autres dirigeants de grands pays. Que faut-il penser ? Est-ce qu'on fait les gros yeux d'un côté et de l'autre côté on dit mais attendez, venez tout de même chez nous créer des emplois et puis si vous pouviez en plus payer quelques impôts, ce serait pas plus mal. On a l'impression qu'on a un peu deux poids, deux mesures dans ces différentes interactions entre ces géants du numérique et la sphère publique, Antoinette Rouvroy. Oui, alors effectivement, il y a là une sorte de reconnaissance implicite d'une puissance énorme de ces grosses entreprises, puissance tellement importante qu'effectivement, elles acquièrent une sorte de statut diplomatique. Hein, ce sont des quasi-États avec lesquels les États entrent en discussion. Alors de fait, ce sont ces GAFAM aujourd'hui qui structurent ce qu'on peut appeler l'espace public mondial. GAFAM, on va juste rappeler Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Voilà, c'est ça, c'est les plus gros on acteurs. On pourrait rajouter Uber, on pourrait rajouter Airbnb, bon bref, ça c'est autre chose encore. Ces nouveaux acteurs. Alors, effectivement, il y a en même temps, comme vous le dites très bien, quelque chose d'assez contradictoire, d'assez paradoxal entre, d'un côté, on essaye de faire peur à ces GAFAM avec le RGPD et enfin l'Europe qui se serait munie de dents nouvelles pour mordre au mollet dans ces GAFAM. Et en même temps, les pays européens courtisent un petit peu ces entreprises pour les attirer chez elles, y compris en France notamment. On voit d'ailleurs des entreprises comme Google intervenir de plus en plus dans le paysage universitaire, dans le paysage de la recherche fondamentale, etc. En France. Donc c'est assez paradoxal et c'est assez symptomatique de l'époque dans laquelle on est, qui est une époque qui est, je dirais, caractérisée par une pulsion d'optimisation. Une pulsion d'optimisation tous azimuts. Donc à partir du moment où il y a moyen d'optimiser sa place concurrentielle, parce qu'en fait ces enjeux d'innovation sont des enjeux de compétitivité, bien entendu, et les États européens se rendent bien compte qu'ils sont en concurrence avec les pays asiatiques, avec les États-Unis, et cherchent à se faire une place, à se tailler une place dans ce nouveau secteur qu'est l'intelligence artificielle, et qui d'autre que ces grands groupes qui possèdent les quantités les plus massives de données, sont à même de développer l'intelligence artificielle. Alors, ce sont effectivement des débouchés pour les chercheurs européens, et effectivement, pour des chercheurs, pour des universitaires, pour des gens des hautes écoles, que ce soit d'ailleurs en sciences dures ou dans les sciences humaines, il est extrêmement tentant et difficile de résister en fait à la possibilité qui s'ouvre de collaborer avec ces grandes plateformes qui ont des quantités massives de données qui sont de véritables eldorados pour la recherche, et des moyens aussi bien entendu démesuré. Et donc on voit là la difficulté d'être tout à fait cohérent dans l'approche qu'on peut avoir ou dans les rapports qu'on peut avoir avec ces acteurs. Alors, sur ce point, vous avez mentionné une concurrence entre l'Asie et l'Europe, mais il y a aussi malheureusement une concurrence en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui accueillent les GAFAM à bras ouverts. Notamment du point de vue fiscal. Hein, oui, mais aussi de la protection des données qui ne sont pas très... Il y a des autorités qui sont moins regardantes que la CNIL sur la manière dont les données sont traitées. Par exemple L'Irlande, par exemple, où Facebook... Pour le point de vue fiscal de la même façon. Oui, est installé. Donc il y a quand même une concurrence. Il faut espérer, on verra, que le RGPD puisse résoudre toutes ces questions de concurrence et de divergence. Et enfin, je voudrais ajouter juste un deuxième point. C'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup des GAFAM pour la protection des données et que c'est au centre de toutes les conversations. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que la surveillance publique, c'est vraiment une question importante, alors qui peut être liée à toutes ces données que possèdent les GAFAM, puisqu'on on a vu dans les scandales Snowden que ces données sont ensuite transférées aux autorités publiques. Mais il ne faut pas non plus oublier cette question de la surveillance publique, à mon sens. Et un mot tout de même sur ce côté un petit coup de trick, une grosse carotte. C'est-à-dire qu'on vous dit, attention, on vous met de le RGPD, mais tout de même, de l'autre côté, on vous reçoit avec les honneurs et sous les ordres de la République en espérant grignoter des parts de marché ou en tout cas des installations, des créations d'emplois, des installations de sièges sociaux et peut-être un peu moins de contraventions ou de contrevenances plutôt par rapport au fisc et au trésor public, enfin en tout cas voilà, la taxation. Je pense qu'il y a toujours une forme de divergence entre la volonté politique, parfois, et la volonté économique. Et on le voit aussi sur le RGPD et sur la CNIL. C'est-à-dire, on dit à la CNIL, attention, vous devez réguler en étant business friendly. Enfin, il ne faut pas que le RGPD soit un frein pour l'activité économique, et en particulier l'activité économique en France. Donc, il y a toujours parfois des logiques un peu différentes entre l'action politique, la volonté politique et les enjeux économiques, et puis les questions juridique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons des données personnelles et plus précisément du RGPD, le Règlement Général de Protection des Données qui a été voté. C'est une loi européenne qui a été votée par le Parlement européen le 14 avril dernier qui entre en vigueur vendredi, après-demain le 25 mai. Peut-être avant de raconter ce qu'il y a à l'intérieur, une question simple qui espère une réponse finalement assez courte. Est-ce que simplement, selon vous, le RGPD peut inquiéter les patrons du numérique, Anne Debay? C'est une question compliquée. Alors, d'abord, le RGPD, ce sont des nouvelles règles, mais néanmoins, il y a quand même déjà des règles qui existaient. Hein. C'est pas tout nouveau. Donc, est-ce que ça peut inquiéter les patrons du numérique? Ça les inquiète. En ce moment, on voit notamment dans le cadre de la publicité sur Internet une grande inquiétude sur l'interprétation de certaines notions dans le RGPD. Je pense que ça peut inquiéter les patrons du numérique. Bon, on peut penser qu'eux, ils sont sensibilisés à ces questions. Je pense que c'est aussi une source d'inquiétude très forte pour les petites entreprises, pour toutes les sociétés qui n'ont pas forcément les moyens de se mettre en conformité et qui vont devoir se mettre en conformité. À cela, et s'ajoute aussi toute une forme de business lié à la mise en conformité RGPD, de manière pas toujours très honnête et très loyale, et une angoisse qui est suscitée chez tous avec ce nouveau texte, alors qu'on verra peut-être, il y a quand même des principes qui existaient déjà et qui étaient déjà appliqués. On va le voir dans un instant. Je veux votre point de vue là-dessus, Antoinette Rouvroy. Est-ce que oui ou non, le RGPD peut inquiéter Mark Zuckerberg, par exemple? Alors, je pense qu'une des nouveautés qu'apporte ce règlement, c'est le fait qu'il va être applicable. Il va être applicable dès lors que les données sont recueillies, collectées dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Alors à ce moment-là, effectivement, ça étend le champ d'application du RGPD, y compris à l'étranger. Donc c'est une chose qui est assez nouvelle. Par ailleurs, effectivement, il y a une sorte de panique liée au RGPD, mais comme vous le dites très bien, effectivement, beaucoup des règles contenues dans le RGPD étaient déjà contenues dans la directive 95-46 de l'Union européenne. Donc il n'y a pas... Qui date de 95. Qui date de 95. Donc il n'y a pas non plus matière à tant paniquer que cela. Cela dit, on voit quand même effectivement des marques de panique dans des demandes qui nous arrivent dans nos boîtes e-mail, par exemple, où on nous redemande notre consentement pour le traitement de nos données. Alors, parfois, on reçoit des mails, d'ailleurs, on n'avait pas l'impression d'avoir jamais consenti au traitement de données. On demande un renouvellement pour mettre en conformité le traitement de données au RGPD. Et donc là, c'est une manière pour les entreprises, si vous voulez, de nettoyer un peu leur base de données, hein, et de se mettre en conformité, mais d'une façon qui n'est pas nécessairement tout à fait loyale, dans la mesure où elle vous contacte effectivement, et ce faisant, elle traite des données à caractère personnel, et vous n'aviez pas consenti à ce traitement de données à caractère personnel. Donc ça montre quand même une certaine panique. Cela dit, et je voudrais juste revenir un tout petit instant sur cette question de la concurrence fiscale, notamment, ou de la concurrence tout court dans l'Union européenne, malheureusement pas relativement à la concurrence fiscale, mais à la concurrence tout court. Là, un gros avantage de ce RGPD est quand même du fait qu'il est d'application directe, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de loi de transposition pour être applicable. Il en a besoin pour être aménagé, en quelque sorte, mais il n'en a pas besoin. Et du coup, ça met, si vous voulez, tous les États sur un, on appelle ça en anglais, un common level playing field, c'est-à-dire sur le même pied. Et l'idée, sur un pied d'égalité, dans un champ d'égalité. Et ça, c'est tout à fait favorable, c'est quand même assez favorable à la concurrence, me semble-t-il. Sauf que ça, ça, c'est ce que voulait la Commission européenne. Et puis finalement, dans le texte qu'on a aujourd'hui, il y a quand même 50 marges d'appréciation qui sont laissées aux États. C'est-à-dire qu'il y a quand même 50 endroits où les États peuvent choisir, sont libres de leur législation. Et on pensait qu'on allait avoir la même... D'adapter leur législation sur 24 articles. Oui. Enfin, la CNIL avait recensé 50 marges d'appréciation sur son site internet. Ouais. Et donc, dire qu'on va avoir le même droit, ça ne sera pas tout à fait le cas, malheureusement. Et ensuite, les autorités de protection ne l'appliquent pas de la même manière. C'est ça la difficulté aussi. Oui. Peut-être faut-il, à 16h15, parler de ce RGPD à proprement parler, c'est-à-dire de savoir ce qu'il y a dedans, de l'examiner un peu. Peut-être pour commencer sur quelque chose que vous venez d'évoquer, Antoinette Rouvroy, qui est important, qui est un peu le pilier fondateur de ce RGPD, c'est le consentement express des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, en fait, on va pouvoir continuer à exploiter les données de la même façon du moment que tous les citoyens, que tous les utilisateurs d'Internet disent qu'ils sont d'accord. Or, tout le monde sait, vraisemblablement, je parle au nom de 99, j'imagine, % des auditeurs qui nous écoutent, que personne, strictement personne, RGPD ou pas RGPD, ne lit les conditions d'utilisation des sites Internet qui nous sont parvenus par mail, notamment ces derniers jours, effectivement. Oui, alors ça, c'est effectivement une des grandes faiblesses, je dirais, de ce RGPD, c'est que il accentue encore l'individualisme méthodologique qui était déjà relativement inefficace sous le régime de protection des données antérieur, en exigeant davantage d'informations des personnes, etc., sachant que de toute façon, les personnes ne lisent pas, ne sont pas demandeuses de ces informations. En plus de cela, il y a, et comme vous le disiez, effectivement, il y a énormément d'exceptions, y compris des exceptions à la nécessité du consentement. Et ces exceptions peuvent être, dans toute une série de cas, déterminées par la loi nationale. Et donc, on a l'impression d'avoir finalement une régulation par exception. Prenons des exemples, parce que pour que ça parle à tout le monde, exemples. Si vous en avez, par exemple, sur les exceptions Anne Debay, sur l'exception consentement, par exemple. En fait, ce ne sont pas des exceptions. C'est-à-dire que le RGPD ne fixe pas une règle d'opt-in préalable, comme peut le faire la directive e-privacy, pour la prospection commerciale automatisée. Le consentement est un des fondements possibles du traitement. La seule chose, c'est qu'il y a d'autres fondements comme l'intérêt légitime du responsable de traitement. En 2004, on pensait que tous les traitements du secteur privé pouvaient rentrer dans le cadre de cet intérêt légitime. On s'est rendu compte que les autorités de protection des données n'ont pas interprété le texte comme ça, parce que c'est l'intérêt légitime à partir du moment où ça ne porte pas atteinte aux droits des personnes. Et par exemple, Facebook a dit à la CNIL, moi je traite les données sur le fondement de l'intérêt légitime, et la CNIL lui a dit non, c'est pas l'intérêt légitime puisque vous portez atteinte trop violemment aux droits des personnes. Donc ça sera le consentement. Donc le consentement n'est pas le seul fondement possible de traitement des données. C'est un des fondements et progressivement, du fait de l'interprétation des autorités de protection des données, le fondement unique dans le secteur privé, enfin pas unique, ça dépend de quel type de traitement, mais en tout cas pour Facebook et les autres acteurs du numérique, ça sera le consentement. Donc il n'y a pas que le consentement, il y a l'intérêt légitime, il y a la mission de service public, il y a la sauvegarde de la vie de la personne, enfin il y a l'obligation légale du responsable de traitement. Enfin, il ne faut pas penser que c'est une logique d'opt-in préalable. C'était déjà le cas dans la directive, en fait. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, en revanche, et là, c'est quand même un plus, c'est la manière dont on va donner le consentement et les exigences qui sont posées pour le consentement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque. Ça veut dire que, et c'est ce que dit le G29 aussi et le texte, ça veut dire qu'un consentement qui est noyé dans des conditions générales d'utilisation, ça n'est pas un consentement. Parce que ça n'est pas un consentement spécifique, vous n'avez pas consenti pour le traitement des données. Vous pouvez consentir au service que vous fournit le prestataire, mais vous devez aussi consentir pour le traitement des données. C'est-à-dire qu'on va reprendre un exemple concret, par exemple, puisqu'on parle beaucoup de Facebook, on pourrait parler d'autres sites, on pourrait parler de Twitter, on pourrait parler de Google, prenons Facebook par exemple. Ça veut dire que le 25 mai, vendredi, je vais vouloir me connecter sur Facebook, il va falloir que j'autorise spécifiquement Facebook à utiliser mes données. Facebook va me dire, par exemple, tenez, si vous voulez continuer, mais alors moi je vais utiliser ça, votre date de naissance, votre mail, vos mensurations, vos goûts pour les canapés en cuir, j'en sais rien. Alors Facebook a déjà changé ses conditions générales d'utilisation et en fait, ce qu'a dit la CNIL dans sa décision sur Facebook, elle a dit la vraie liberté, parce que le consentement il doit être libre, la vraie liberté c'est si vous pouvez choisir d'avoir Facebook sans avoir la publicité ciblée. Donc en gros, si vraiment vous voulez avoir un consentement libre, il faut que Facebook vous propose le même service sans la publicité ciblée. Et comme l'a dit une des dirigeantes de Facebook, le modèle économique de Facebook fonctionne sur les données. Ciblée. Donc c'est un peu compliqué. Les exigences du RGPD, elles sont très fortes s'agissant du consentement et des caractéristiques du consentement. Mais donc, ça veut dire que Facebook va développer deux versions, une version avec publicité ciblée, une version sans publicité ciblée. On pourra souscrire à l'une ou à l'autre en fonction. À quel moment va-t-on nous offrir ce choix-là? Comment ça va se passer, Antoine Trouvrois? Je pense pas. Moi, je n'ai pas entendu que Facebook propose ce genre de modèle. Au contraire, Facebook a exprimé une fois de plus que, effectivement, comme vous dites, son business model présuppose qu'il est financé par la publicité. Or, pour faire de la publicité ciblée, il a besoin de nous profiler, donc il a besoin de nos données. Pas seulement les données à caractère personnel. C'est là une grande faiblesse aussi de ce RGPD, c'est qu'il se focalise une fois de plus sur la donnée à caractère personnel, alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'avec des données anonymes, on peut faire de la personnalisation, on peut faire du profilage très fin, non pas des personnes, mais des comportements. C'est-à-dire que, simplement avec des données qui ne se rapportent pas nécessairement à vous, qu'on ne peut avoir anonymisées, mais qui relatent vos comportements, c'est-à-dire des phéromones numériques qui émanent de vos comportements sur la toile. Prenons les canapés en cuir. Par exemple, mon goût prononcé pour les canapés en cuir. Alors, comment est-ce qu'on peut anonymiser les données de canapés en cuir? Alors, vous avez été sur... par exemple, on va suivre votre trajectoire. On va garder votre trajectoire, si vous voulez. On va garder ces sortes de traces qu'on va désindexer. C'est-à-dire, on va enlever... tout identifiant personnel. Mais on va voir que je suis passé de tel site à tel site, à telle annonce, à telle photo de canapé en cuir. Voilà. Et simplement, en reliant statistiquement ces données-là à des modèles comportementaux de potentiels, je ne sais pas, acheteurs de tel ou tel bien, eh bien, on peut, si vous voulez, personnaliser ce qu'on va vous envoyer de manière à optimiser les ventes. C'est un système d'optimisation. C'est pour ça que moi, une fois de plus, je regrette qu'on se focalise exclusivement sur les données à caractère personnel, alors que la valeur, l'utilité, la signification d'une donnée, elle ne surgit et elle n'a d'intérêt économique d'ailleurs pour les GAFAM et pour qui veut les utiliser qu'à partir du moment où les données sont corrélées à des données qui émanent des comportements d'autres utilisateurs. C'est la raison pour laquelle on se focalise beaucoup sur la protection de l'individu et on néglige les aspects beaucoup plus collectifs, beaucoup plus structurels. Anne Debay. Oui, sauf que ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'à partir du moment où une donnée permet de vous réidentifier indirectement, c'est une donnée à caractère personnel. Ça veut dire qu'il y a certains journalistes qui ont prouvé que à partir de 5 requêtes sur Google, on arrive à réidentifier une personne. Et donc, alors après, le texte dit il faut utiliser des moyens raisonnables pour réidentifier la personne en fonction du coût, etc., etc. Mais malgré tout, assez rapidement, et la CNIL a eu toujours une interprétation très large de la donnée à caractère personnel, vous êtes quand même rapidement dans de la donnée à caractère personnel. Sur le champ d'application du règlement, on peut juste ajouter cette nuance. Il y a deux problématiques tout à fait distinctes. Premièrement, la problématique de l'anonymat. Et effectivement, la problématique de l'anonymat est celle-ci, c'est que quand vous avez des quantités massives de données, il suffit de croiser entre elles des données anonymes pour pouvoir réindividualiser les personnes avec un degré de certitude plus ou moins important. Donc ça, c'est une question que vient de dire Anne Debay. Là, effectivement, le problème, c'est qu'on n'arrive pas, en fait, à avoir une anonymisation certaine. Ça, c'est un problème. Un problème tout à fait différent, qui est celui que je visais pour ma part, c'est le problème du profilage, c'est-à-dire de la caractérisation des comportements possibles, de la prédiction des comportements qui ne nécessitent pas, à ce moment-là, qui ne nécessitent pas d'identifier les personnes. En fait, ce qu'on vit, c'est un gouvernement des comportements et non pas des personnes. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait neuf. Le pouvoir aujourd'hui s'exerce à travers les algorithmes, non pas en identifiant les personnes, il peut très bien ne pas identifier les personnes, mais simplement en caractérisant des comportements et en les reliant à des masses plus importantes de comportements qui ont été recueillis par ailleurs, afin de, par exemple, produire des scores de crédit social comme en Chine, ou des scores On va revenir sur le crédit social. Oui, ces scores, au bout du compte, ils sont quand même réappliqués à des personnes, parce que les scores de crédit, ils sont appliqués. Après, la manière dont ils sont construits, c'est sans doute un problème. Mais le problème aussi concret qui se pose pour les personnes, c'est quand les scores de crédit, qui sont des mécanismes, je dirais, automatisés, fondés sur des statistiques qui vous permettent de déterminer si vous allez prêter de l'argent ou non à une personne en fonction du score qu'elle va avoir, en fonction de différents critères. Par exemple, la CNIL a accepté que le département soit un critère qui puisse être pris en compte. Donc, selon que vous êtes dans le 9.4, dans le 9.3, vous n'allez pas forcément obtenir une bonne note à votre score. Donc, la construction de ces modèles, c'est sûr que c'est un problème, mais de manière finale, ils sont quand même appliqués aux individus. individus, et là, le RGPD s'applique. On va rester là-dessus, parce que c'est quand même assez intéressant, ces questions de score et de crédit social. Vous faisiez mention, Antoinette Rouvroy, du crédit social en Chine, qui est en train de s'appliquer, où effectivement, un certain nombre de comportements publics, comme qui vont de critiquer le gouvernement sur Internet à fumer dans un train, fait réduire des crédits sociaux, et peuvent du coup conduire certaines personnes à ne plus avoir accès, par exemple, au transport en commun, à l'avion ou au train. Donc voilà, ça, ce sont des systèmes qui sont aujourd'hui déjà en place et qui vont être amplifiés par le gouvernement central chinois d'ici 2020. C'est une chose. Mais sur ces questions, par exemple, de crédit social pour nous, pour ce qui nous concerne ici en Europe, ça veut dire qu'aujourd'hui, indépendamment de nos usages de Facebook, de Twitter, de Google, ça veut dire qu'un certain nombre de données personnelles comme des données de localisation, vous dites par exemple on n'a pas le même score de crédit qu'on habite dans le 93 ou dans le 92, dans les Hauts-de-Seine ou en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui il y a un certain, est-ce que le RGPD va pouvoir avoir un impact, une influence justement sur ce type d'utilisation à destination des crédits, des assurances? Le RGPD autorise, enfin, c'est-à-dire le RGPD, il y a un article, l'article 22 sur la prise de décision automatisée, et l'encadre dans le sens où il est possible, si vous y consentez, ou si c'est dans le cadre d'un contrat. Donc ça ne va pas changer fondamentalement les solutions antérieures. Il y a des dispositions plus précises sur l'information de la logique sous-jacente du traitement. Après, les banques ont toujours refusé de livrer aux personnes qui faisaient une demande de droit d'accès leurs algorithmes, en disant c'est le secret des affaires, si vous connaissez nos grilles de score, nos concurrents vont les connaître aussi, et les personnes vont essayer de frauder les grilles de scoring en les connaissant. Donc il y a quand même une difficulté. Le RGPD, là-dessus, il y a une disposition, mais qui n'est pas plus protectrice, à mon sens, que ce qu'il y avait antérieurement. Antoinette Rouvroy. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur cette question. Est-ce qu'il y a une identification ou pas de la personne in fine? En fait, ce mode de gouvernement que moi je décris comme gouvernementalité algorithmique affecte d'abord les environnements. En fait, on gouverne les personnes en gouvernant quels sont leurs types d'accès, à quel type d'opportunités dans la vie, à quel type de biens, à quel type de lieux, etc. Et donc, pour faire cela, on n'a pas besoin d'avoir identifié la personne. Il suffit qu'il y ait une sorte d'alerte, si vous voulez, tout à fait automatique, qui produise l'ouverture ou la fermeture d'opportunités. Mais alors, concernant cette question de la décision fondée sur le traitement automatisé de données. Effectivement, c'est une des grosses problématiques du RGPD, c'est une des grosses problématiques tout court d'ailleurs. Il y a une reconnaissance de cette problématique du profilage dans le RGPD, ça c'est une très bonne chose. Cela dit, il y a cette idée quand même que les personnes doivent pouvoir avoir accès à une sorte de logique du traitement, si vous voulez, pour pouvoir éventuellement contester la manière suivant laquelle ils ont été profilés, ils doivent avoir accès à une logique du traitement. Le problème, c'est que cette logique de traitement algorithmique, elle est extrêmement opaque. Elle est extrêmement opaque et elle est surtout difficilement traduisible sous une forme linguistique, linéaire, compréhensible pour les êtres humains. Et donc, c'est une sorte, si vous voulez, d'utopie. Si vous voulez, on n'a pas pris en compte que nous nous trouvons, dans le contexte des big data, des algorithmes, dans un contexte épistémique complètement différent. On n'est plus dans la logique de la causalité, on est dans la logique de la pure corrélation. Alors on va demander à un algorithme d'expliquer pourquoi il arrive à un certain profilage. Mais précisément, le pourquoi est indifférent aux algorithmes, puisqu'il s'agit d'une logique purement statistique, purement inductive, et qui manie des quantités massives de données. Et donc, cette utopie ou cette idéologie de la transparence, pour moi, est problématique aussi. Non seulement parce qu'elle est irréaliste, mais davantage encore parce qu'elle est déresponsabilisante. Elle risque de faire en sorte que les personnes qui utilisent ces dispositifs de recommandation automatisée disent aux personnes qui viennent vers elles « Ah, je vais vous donner accès ». Soit au code, il ne sera pas question de ça bien entendu, mais aux logiques de traitement. Et vous verrez dès lors, puisque s'il n'y a pas de biais, visible ou perceptible, eh bien on va considérer que la décision que je prends sur cette base est objective et incontestable. Or, il faut nécessairement que les décisions prises à l'égard des êtres humains restent toujours contestables au regard de la situation singulière de chaque personne et non au regard de son éventuel profilage statistique. Il me semble que ça, c'est une question de justice. Oui, Anne Debé, à ce propos, sur une sorte de nécessité de transparence de cette gouvernance algorithmique, de plus de transparence, de gestion, de possibilité de testing de ces algorithmes. Non, oui, enfin, il y a quand même des éléments qui peuvent être donnés sur la logique d'un traitement. Alors, je prends l'exemple des grilles de scoring. Les banques pourraient dire comment ils pondèrent, enfin, quelle est l'importance pour eux de certaines données comme la situation patrimoniale, la situation matrimoniale, puisqu'ils scorent les différences d'âge entre conjoints, ils scorent le département. Donc, il y a quand même des choses qui pourraient être dites qui ne le sont pas aujourd'hui. Je pense que, voilà, il y a une transparence plus grande, même si je suis d'accord avec vous qu'il y a un degré de compréhension, là, on le voit bien avec la communication de l'algorithme d'APB, de Parcoursup, qui n'est pas facile. Néanmoins, il y a quand même des éléments de transparence à améliorer. Après, le RGPD garantit quand même, en principe, c'était l'idée de l'article 10 de la loi Informatique et Liberté, que ce n'est pas la machine qui prend la décision. L'idée, c'est que c'est quand même, en définitive, l'humain, l'homme qui doit prendre la décision, et c'est-à-dire que vous avez le droit à un réexamen de votre dossier. La seule chose, c'est que, par exemple, pour le scoring des banques, les banques ont toujours dit, ah ben oui, on réexamine le dossier, mais elles n'ont jamais fourni de statistiques sur le nombre de fois où, avec un réexamen humain, elle changeait de décision. Donc, c'est sûr que, du coup, on ne connaît pas bien les conséquences de ce réexamen humain. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Guitar too much, I can understand it. Something was wrong, and that's why your pal been gone. And just for you, I did some research. Now listen, as my research will show, the music business and all the businesses will flow. And one thing I didn't realize, all them regular jobs that you and I do have all become computerized. Help me! We need to strike on computers. Yeah, we do. People, I ain't lying. We need to strike on computers. Before there ain't no jobs to find. Listen. Now, there is a computer that is connected to the nose of a missile that will seek out a target and blow it up anywhere. But then, there's a brand new missile. That's got a computer that will seek that missile out and blow that sucker up in midair. I think you better help me. Ow! We need to strike on computers. Yeah! People! I ain't lying. Yeah. We need to strike on computers. Before there ain't no jobs to find. Hey, oh, listen. Unemployment is at an all-time high. And you're wondering why your job. Well, let me get your job. You might think it's funny, but the computer gonna save the company money, and it's gonna be gonna done your job before you start. Help me. We need to strike on computers. Yeah, yeah. People, I ain't lying. We need to strike on computers. We need to strike on computers, on devrait faire la grève aux ordinateurs, mais c'est peut-être ce qui va finir par nous arriver. Si le RGPD n'a peut-être pas les effets escomptés, c'est ce dont nous discutons tout au long de cette heure sur France Culture à 16h33. Ce nouveau règlement général de protection des données qui rentre en vigueur vendredi prochain dans toute l'Europe. Nous en parlons avec Anne Debay, qui est professeure de droit privé, droit des nouvelles technologies, droit de la santé, droit civil à l'Université Paris-Descartes et ancienne membre de la CNIL, et Antoinette Rouvroy, juriste, philosophe du droit, professeur à l'Université de Namur, chercheuse FNRS au Centre de Recherche en Information, Droit et Société. On a parlé des données qui sont collectées par les banques, des données que nous confions volontairement ou pas tout à fait volontairement aux réseaux sociaux, aux différents acteurs d'Internet. Il y a d'autres données qui sont particulièrement sensibles, ce sont évidemment les données de santé. Et le problème dans le secteur de la protection des données de santé, eh bien, ça n'est pas qu'un petit problème. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendue à l'Institut Curie pour comprendre comment ce RGPD va améliorer, mais aussi nettement complexifier la protection des données de santé des patients. Oui, parce que les acteurs de la santé doivent pouvoir s'adapter au RGPD tout de suite en ce qui concerne les données de leurs patients pour comprendre concrètement comment ça va se passer. Je suis allée à la direction des données de l'Institut Curie voir Alain Livartowski, qui est médecin oncologue, et Thomas Balzo, ingénieur informaticien. Ils ont mis en place récemment une plateforme d'échange des données qui s'appelle mycurie.fr. Le but, c'est de mettre à disposition les données des patients dans des espaces fermés et complètement protégés. Une entreprise qui a été très complexe à mettre en place sur le plan technique et humain. L'idée de MyCurie, c'est quoi? C'est de dire que les informations qui sont à l'hôpital, si elles sont utiles pour le patient, elles doivent lui être transmises. Et aujourd'hui, les outils, c'est quoi? C'est Internet, c'est les téléphones portables. Comment assurer la protection de ces données qui sont transmises justement entre les patients et les hôpitaux? Alors là, on a fait appel à des sociétés spécialisées en sécurité parce qu'il faut que ça soit facile à utiliser et surtout, il faut que les données soient sécurisées. On parle toujours des assurances, mais les assurances ne chercheront pas à utiliser les données, c'est trop dangereux pour elles. Mais par contre, c'est pas normal qu'un patient, qu'il est atteint de cancer, d'autres personnes l'apprennent, pas par lui, mais de façon anormale. Nous, à la direction des données de l'Institut Curie, on va fournir des données avec le consentement du patient, évidemment, pour des projets de recherche. En aucun cas, les données doivent sortir. C'est-à-dire qu'on doit garder le contrôle sur ces données. Et du coup, c'est la même logique que la législation européenne qui va être mise en place. Le RGPD. Cette législation, en fait, nous oblige à garder un contrôle total sur ces données, c'est-à-dire à mettre à disposition dans un espace sécurisé ces données, mais que les données ne sortent jamais de cet espace. Cet espace, en fait, c'est une machine, c'est un ordinateur, et on doit mettre à disposition aussi les outils pour les traiter, pour que les gens puissent travailler sur ces données, mais que les données ne sortent jamais de cet espace. Quelles sont les contraintes au niveau technique pour assurer la protection des données sur les patients que peut traiter le docteur Livartowski? Alors, je pense qu'on ne se protégera jamais contre des hackers, des ransomware, etc. complètement. Mais nous, on essaie de mettre tout en place, c'est-à-dire que, en fait, on donne les autorisations minimum au minimum de gens. On va autoriser des machines à pointer vers d'autres machines, mais c'est vraiment le minimum possible et nécessaire pour nous permettre de travailler aussi. Et concrètement, en ce moment, vous gérez des databases ou... C'est ça. Ces entrepôts de données, ces databases, elles sont gérées par la direction des données. Et en fait, on ne va jamais fournir des accès à ces databases. On va pouvoir fournir des accès temporaires. Sur projet. La sécurité des données, c'est avant tout en fait un problème politique et de process. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place des process de validation légale, de validation éthique. On a mis un process qui s'appelle le CRI Data, qui va valider chaque projet, chaque demande, que ce soit des médecins qui demandent, des chercheurs, des sociétés externes. Et évidemment, on n'aura pas la même politique, mais le process va toujours rester le même, c'est-à-dire qu'on va valider ces projets et ensuite mettre à disposition des données dans un espace sécurisé pendant une période de temps définie. Ça veut dire que vous uniformisez les processus de manière à rassembler les données et d'éviter qu'il y ait des systèmes parallèles ou qui coexistent et qui multiplient les données, donc les chances... Exactement. Qu'il y ait des fuites ou des pertes. Exactement. C'est à la fois un problème technique, comme vous le dites, hein, c'est-à-dire qu'il faut que les données soient sécurisées dans des entrepôts, comme des coffres-forts. Ça, c'est le problème technique. Et puis, il y a aussi le problème humain, dans lequel la prise de conscience, elle doit être de tout le monde, de l'ensemble des personnes qui interviennent dans le processus de soins, pour qu'à aucun moment, il puisse y avoir des fuites de données vers l'extérieur qui ne sont pas autorisées ou qui sont néfastes pour le patient. Mais la sécurité des données aussi, c'est d'être sûr qu'elles sont conservées au bon endroit et surtout qu'elles ne se sont pas modifiables. Et sur mycurie.fr, qu'est-ce qu'on trouve comme type de données? Quand on arrive sur le portail, est-ce qu'il y a deux entrées pour le patient, pour le médecin? Est-ce qu'il y a le carnet de santé numérique? Alors nous, on appelle ça un carnet de santé électronique. On donne à la fois des informations pratiques, par exemple sur les rendez-vous, et puis il y a des informations médicales sur les traitements qui sont passés, qui ont été réalisés, sur les comptes rendus médicaux qui peuvent être très utiles pour le patient, de les avoir toujours sur lui, sur les médicaments qu'on lui a prescrits avec des informations complémentaires pour lui dire pourquoi on lui a prescrit, quels sont les effets secondaires qui peuvent survenir, comment les éviter, qui est appelé en cas de survenue. Donc c'est à la fois des données et puis des conseils. En fait, l'objectif, c'est qu'il y ait un lien entre le patient et l'hôpital par les nouvelles technologies. Hein. Je crois que dans MyCurie, il y a des formulaires et le but, ce sera de aussi faire remonter de la donnée. Et ces formulaires vont grandement aider le soin. parce que je crois que tu m'avais parlé d'un exemple de formulaire sur le poumon. Oui, l'exemple, c'est une équipe du Mans, de médecins du Mans, qui ont testé une application qui est absolument remarquable, mais qui est très simple. Le patient, régulièrement, une fois par semaine, n'a quelques signes cliniques très simples. Et ce qui a été observé, c'est que lorsqu'on fait ça, lorsque le patient fait ça une fois par semaine, l'hôpital, le médecin s'aperçoit qu'il y a des signes anormaux qui doivent alerter. Le patient est vu plus tôt, il est vu en consultation plus tôt, les examens sont faits plus tôt. Et le gain pour les patients, il est considérable. Il y a une augmentation de la survie de 25% à un an confirmé à deux ans. Est-ce que ce genre de bénéfice serait pas possible s'il y avait trop de sécurité, justement, si tout était verrouillé? Parfois, on met des systèmes qui sont tellement sécurisés qu'en gros, on ne peut pas y accéder parce que c'est trop compliqué, parce qu'on a mis des mots de passe partout. Et donc, l'enjeu, c'est qu'à la fois, le système soit complètement sécurisé, le mieux possible, niveau des banques, et en même temps que ça soit facile à utiliser. Et bien ça, sur le plan technique, c'est pas toujours facile. Et je crois que ça doit être complètement transparent aussi pour l'utilisateur. La sécurité, ça doit être avant tout un problème background. Mais c'est vrai que mettre en place tous ces processus de sécurité, au jour le jour de notre travail, c'est fastidieux. Voilà le reportage du jour à l'Institut Curie concernant ce problème épineux des données de santé qui, on vient de l'entendre, est tout autant un casse-tête qu'une protection supplémentaire pour les éventuels patients. Qu'en pensez-vous, Anne Debay ? Alors, les données de santé sont des données sensibles, donc qui font l'objet, comme d'autres données, les données relatives à l'appartenance politique, religieuse, sont des données qui sont spécialement protégées par le RGPD, mais par la loi informatique et liberté. Et en France, les médecins qui souhaitent mettre en œuvre ce type de système sont soumis à deux législations. Il y a à la fois la loi informatique et liberté et le RGPD, et aussi le code de la santé publique qui pose des règles très strictes de traitement des données de santé. Donc vraiment, les médecins en France sont extrêmement encadrés. On peut dire que parfois il y a deux poids deux mesures, parce que vous avez d'un côté les médecins qui sont très encadrés, puis de l'autre côté des acteurs dont on a parlé, c'est-à-dire Apple ou Google, qui proposent Apple Health Kit, qui proposent aussi des systèmes de stockage de données. Alors ça passe pas par un médecin, c'est le patient directement, mais là qui partent aux États-Unis et qui font pas l'objet forcément de la même protection. Antoine Trouvrois, sur cette question et sur ce reportage en particulier. Oui, alors c'est très intéressant. La difficulté, évidemment, c'est que dans un monde de données massives, la définition même de la donnée à caractère personnel, ou plutôt de la donnée de santé, devient un peu flou. Par exemple, le cabinet de conseil Deloitte expliquait qu'il leur est possible, sur base de données de consommation dans les supermarchés, rien à voir avec la santé a priori, de déterminer l'état de santé actuel et futur d'une personne avec une précision comparable à un examen médical. Et donc ces profils de consommateurs qui ne sont pas recueillis dans un cabinet médical... Recueillis par qui? Comment? Alors, ils peuvent être recueillis tout simplement comme on recueille des données relatives aux achats que vous faites dans les supermarchés. C'est-à-dire avec les cartes de fidélité. Les cartes de fidélité, par exemple. Avec les cartes de fidélité, on peut voir effectivement que vous avez des propensions supérieures à la moyenne de la population de souffrir, par exemple, de maladies comme le diabète, certains cancers féminins, les cancers évidemment corrélés à la consommation de tabac, là on voit la causalité bien entendu, des maladies cardiovasculaires, des risques de dépression, etc. Et donc, vous voyez, il y a des enjeux qui dépassent très largement les enjeux classiques auxquels on pense lorsqu'on pense données de santé recueillies par son médecin, et qui sont notamment que, alors que classiquement les candidats à l'assurance, par exemple, n'ont à déclarer à l'assureur que les conditions préexistantes, les maladies dont ils se savent souffrants, les maladies et handicaps dont ils se savent atteints, la possibilité aujourd'hui pour les assureurs de détecter des maladies ou des propensions à des maladies chez leurs clients sans même que ceux-ci aient connaissance de leur état induirait une symétrie d'information, bien entendu, très défavorable aux assurés. Donc, vous voyez, c'est tout un enjeu de justice sociale, éventuellement, qui se joue là. Mais alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup cela concernant le RGPD, concernant les données personnelles en règle générale, cette idée de dire, oui, mais alors, les assurances vont pouvoir vous assurer moins bien parce que vous mangez, parce que vous êtes fumeur. Mais, en fait, la question qu'on se pose tout de même, Anne Debay, c'est par quel biais les assurances ou d'autres acteurs privés pourraient avoir accès à ce type de données comme la nourriture, les habitudes alimentaires, les habitudes de consommation de tabac ou d'alcool. Ça paraît un peu Big Brother, comme ça. Sur la nourriture, il y a sans doute des possibilités que j'imagine pas, mais ce dont je peux vous parler, c'est des propositions qui sont faites par les assureurs aux États-Unis. Il y a un assureur français qui a essayé de donner des bracelets connectés et qui mesurent le nombre de pas que vous faites dans une journée et qui, en fonction de ça, vous font une prime d'assurance qui est liée au fait que vous marchez 7000 ou 10000 pas par jour, comme le recommande l'OMS. Donc ça, clairement, c'est ce qu'on appelle ce que la CNIL a appelé le pay as you walk. Ça existe déjà dans l'assurance. Payer comme vous marchez. Oui, c'est ça. Dans l'assurance automobile, dans l'assurance automobile, il y a une personnalisation des primes en fonction de votre comportement au volant, et qui est quand même un suivi très très précis de ce que vous faites au volant. On peut imaginer, au moins au départ là-dessus, que il y ait des possibilités pour les assureurs de vous demander, grâce à différents objets connectés qui produisent des données, par exemple votre frigo. Il y a des frigos connectés qui, par exemple, sont utilisés pour les personnes âgées. Ça pourrait être un élément. Mais là, on a tout de même l'impression qu'on est dans un futur, qu'on n'est pas tout à fait dans notre présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les frigos connectés ou la carte de fidélité qu'on doit passer pour montrer ce qu'on achète au supermarché à l'assurance, ça paraît tout de même un peu fantasmatique quand on est trouvé. Non, parce qu'il y a un acteur qu'on oublie souvent, c'est un nouveau métier, le métier de courtier de données. Alors, les courtiers de données font métier précisément de recueillir toute une série de données sur toute une série de modes de vie, par exemple, et de fournir ce qu'ils appellent des solutions logicielles. Alors, ce qu'ils appellent poliment des solutions logicielles, ce sont des techniques de profilage, par exemple, et qui peuvent vendre, par exemple, aux assureurs. Alors, c'est très... En plus, alors, là encore quelques chiffres, dans notre société, d'après les calculs d'IBM lui-même, au cours d'une vie, un individu devrait, sans nécessairement le savoir, produire plus d'un million de gigabytes, de données sur sa santé. Et donc, vous voyez, si on ajoute à cela les données produites par le séquençage d'ADN, etc., et le fait aussi que peuvent être considérées éventuellement comme des données de santé, chaque fois qu'on va sur Google et qu'on s'enquiert de nos symptômes, de la signification de nos symptômes, est-ce que ce sont des données de santé ou pas? Par exemple, Google Flu, l'algorithme de Google a utilisé toutes ces requêtes sur les moteurs de recherche pour détecter... Pour anticiper les épidémies de grippe. Donc, vous voyez, ce sont aussi des données de santé. Anne Debay. Oui, le bracelet connecté, ça existe déjà. Et la difficulté, c'est que la CNIL, par exemple, pour le pay as you drive, a considéré qu'à partir du moment où on avait le consentement, et c'est là toutes les limites du consentement, à partir du moment où on avait le consentement de l'assuré, le système pouvait être justifié et fonctionner. Et c'est là qu'on voit, dans une logique de protection, le consentement des personnes n'est pas forcément le plus protecteur. Et d'ailleurs, vous avez certaines personnes qui considèrent qu'on devrait interdire certains traitements, notamment, je ne sais plus de son nom, le promoteur du logiciel libre, qui dit qu'on devrait interdire certaines collectes de données, on ne devrait pas se fonder sur le consentement parce que les personnes le donnent trop facilement. C'est trop facile. Enfin, à partir du moment où vous avez un avantage financier à consentir, vous allez consentir. Donc la question de savoir si le consentement nous protège, c'est vraiment une question fondamentale. Ce qui m'amène à ma dernière grande question, celle de finalement l'éducation numérique. Est-ce que nous sommes tous, indépendamment de notre génération, qu'il s'agisse des générations au-dessus de celles de mes parents, des générations en dessous, des millennials, bien formés à l'utilisation de l'ensemble de ces objets numériques de notre quotidien, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, qu'il s'agisse de nos montres connectées, de nos téléphones dans lesquels nous rentrons des données, est-ce qu'on sait suffisamment bien se protéger? Est-ce qu'il faut mieux apprendre aux citoyens à se protéger plutôt que d'attendre que ce soit une loi européenne qui nous protège de nous-mêmes? Alors, Anne Debay. Là-dessus, on peut citer un sondage qui a été fait par la CNIL qui montre sur les photos que 50% des personnes, des internautes publient des photos sur Internet, 86% des 18-24 ans, mais 73% estiment qu'il sera difficile de les supprimer et 61% des 18-24 ans ont déjà été gênés par la publication de photos sur Internet. Ça ne les empêche pas néanmoins de continuer de publier. Sur le scandale Facebook Cambridge Analytica, vous avez eu tout un mouvement delete Facebook, supprimer Facebook. Mais néanmoins, en avril 2018, plus 7% aux États-Unis de personnes se sont inscrits à Facebook. Donc on a quand même la sensation que quoi qu'il arrive, enfin, quels que soient les usages ou les mésusages des données, enfin, les comportements ne changent pas, ce qui est vraiment problématique. Alors, ce que fait la CNIL, et sans doute ce qu'il faut promouvoir, c'est l'information des plus jeunes, mais ce qu'on voit dans les chiffres quand même, c'est que assez souvent, alors, les plus jeunes maîtrisent peut-être mieux que les plus âgés les paramètres de confidentialité des systèmes, mais ils les connaissent peut-être mieux que nous, hein, enfin, peut-être, pour l'espérer. Je ne sais pas, mais ça me paraît comme ça, a priori, au doigt mouillé, ça me paraît surprenant. Mais c'est sûr que l'éducation est quelque chose de fondamental, mais je ne sais pas si on peut, malgré l'éducation, limiter ces publications et le fait que les personnes sont leurs propres ennemis et publient des données qu'elles ne devraient pas publier. Et même à leur rencontre, puisque Antoinette Rouvroy, il s'avère qu'aujourd'hui, ça n'est pas juste nos données que nous publions quand nous postons ou quand nous créons un compte sur Facebook. Facebook peut reconnaître notre visage, même si c'est quelqu'un d'autre qui poste la photo, reconnaître notre identité. Et par ailleurs, quand d'autres personnes, même si vous n'êtes pas connecté sur Facebook, même si vous n'avez pas de compte sur Facebook, Facebook a certainement déjà des informations sur vous. Tout à fait. Il faut prendre en compte le fait qu'effectivement, il n'y a pas de données personnelles, il n'y a jamais que des données relationnelles. Et ce que postent mes amis est éminemment révélateur de moi-même, d'autant plus s'il y a des algorithmes qui me calculent, qui calculent mon comportement possible au départ des comportements de ceux que je fréquente. Pour être très concret, le shadow profiling, c'est-à-dire que quand on crée un profil, on implique avec soi même des gens qui, eux, n'ont pas de profil Facebook et qui ne souhaitent pas en avoir. Alors, shadow profiling, c'est une autre histoire. C'est le fait que lorsque Facebook, par exemple, vous demande si vous êtes d'accord de communiquer toutes les données relatives, enfin, qui sont contenues dans votre carnet d'adresses, et si vous dites oui par défaut, parce que voilà, pourquoi pas, parce que pour retrouver plus facilement vos amis, etc., effectivement, vous mouillez, vous emmenez avec vous toutes les données personnelles de vos amis qui ne sont pas au courant nécessairement, qui n'ont peut-être même pas de compte Facebook. Ça, c'est une chose. Mais outre cela, il faut qu'on se rende compte vraiment qu'on a changé, de monde. C'est-à-dire qu'on est passé d'une civilisation du signe et du texte vers une civilisation du signal calculable et de l'algorithme. Et donc, si vous exprimez sur Facebook, sur Twitter, et vous croyez maîtriser les codes d'intelligibilité, c'est-à-dire vous croyez savoir comment vous allez être compris, vous savez comment vous allez être compris de ceux qui vous sont proches, mais vous ne savez pas comment l'algorithme, sur base de ce que vous postez, va vous calculer et va, à partir de cela, détecter vos propensions, vos risques, les opportunités commerciales que vous représentez pour des entreprises, etc. Et donc, on doit vraiment se rendre compte que nous avons changé. Il faut se rendre compte du nouveau contexte épistémique dans lequel nous sommes et se rendre compte des ambitions épistémiques tout à fait particulières de cette civilisation algorithmique. Et ce dont nous manquons, c'est d'une culture algorithmique. Une culture algorithmique, comprendre comment, finalement, ces algorithmes façonnent le visible, l'intelligible et la manière dont nous pouvons éventuellement devenir des sujets de droit. Et à 16h52, c'est la fin de cet entretien, puisque comme tous les mercredis, nous recevons bien le futur de la recherche française à ce micro, des étudiants et des étudiantes qui viennent nous présenter leurs travaux de thèse. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Joanne Gondolo, bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes en thèse à l'école doctorale de droit comparé de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous êtes également enseignant à la même université. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est exactement, je suis absolument ravi d'être ici pour vous parler donc de droit de la protection des données à caractère personnel, sujet d'actualité s'il en est, à l'approche de l'entrée en application du nouveau règlement général sur la protection des données. Alors bien sûr, l'ensemble des technologies liées notamment à la collecte et au traitement de données à caractère personnel posent des questions telles que peut-on faire ? Jusqu'où le progrès et l'utilisation de la ressource dite données personnelles peuvent-ils nous porter ? À ce titre, un simple regard en arrière, une simple analyse de l'évolution de la technologie laisse imaginer un futur libéré de toute limite. Mais la protection des données à caractère personnel lève aussi la question, qui intéresse mes travaux de thèse, du « que veut-on faire ? » Comment nos sociétés souhaitent-elles exploiter et donc encadrer l'utilisation de ces données ? Pour répondre à cette question, j'étudie donc les réponses juridiques qu'apportent respectivement l'Union européenne et les États-Unis, sorte d'adversaires idéologiques en la matière. Et cette opposition est en réalité plus profonde que le seul droit de la protection des données à caractère personnel, puisqu'elle se trouve ancrée dans une conception fondamentalement différente de la vie privée. D'un côté, celle-ci est un droit fondamental, dans la lignée, des philosophies aristotéliciennes et kantiennes qui amènent à considérer la vie privée et donc la donnée comme digne d'une protection très élevée. De l'autre, le droit au respect de la vie privée est aussi un droit fondamental, mais il est davantage teinté d'une logique de marché, telle que l'explique par exemple Richard Posner, selon laquelle les individus pourraient plus facilement en aliéner certains éléments en l'échange d'un paiement, d'un bien ou encore d'un service. De ces conceptions différentes naissent donc des droits différents à bien des aspects, dont voici trois exemples. Dans la forme des textes d'abord, puisque le droit américain n'offre pas de texte général relatif à la protection des données à caractère personnel, mais seulement des règles sectorielles applicables tantôt aux banques, tantôt au secteur des télécommunications par exemple, alors que l'Union, elle, dispose d'un droit spécifique aux problématiques de données, qui sera même d'applicabilité directe, c'est-à-dire directement invocable par les justiciables devant le juge, comme l'a évoqué Antoinette Rouvroy tout à l'heure, grâce au règlement donc sur la protection des données. Deuxième exemple de ces divergences, l'applicabilité territoriale de ce droit, puisque le nouveau règlement disposera d'une portée extraterritoriale, c'est-à-dire qu'il pourra s'appliquer à des responsables de traitement établis en dehors de l'Union européenne, signe de la volonté européenne de considérer le droit de la protection des données à caractère personnel comme un droit fondamental, avec une vision quasi droit de l'hommiste. Troisième exemple enfin, dans la substance de ces droits, avec une notion par exemple de consentement, interprétée beaucoup plus strictement, ou encore des sanctions plus élevées en droit européen qu'en droit américain. Dès lors, les droits construits par chaque société servent des buts différents. Laisser les individus décider librement de l'utilisation de leurs données, tout en évitant d'imposer des contraintes excessives aux acteurs économiques dans des domaines au fort potentiel d'innovation, ou alors, à l'opposé, protéger les 10 individus en les dotant de droits et en imposant des standards élevés aux responsables de traitement qui permettraient de sécuriser la confiance des utilisateurs dans ce que l'on appelle la data economy et ainsi d'en assurer un développement responsable. Ce constat pourrait en réalité être résumé par lui-même en une seule question. Dans quelle mesure le marché est-il capable d'apporter, seul, une solution satisfaisante aux dérives de l'utilisation des données à caractère personnel ? L'objectif de mon étude est donc double. Il s'agit, d'une part, de tenter de déterminer, notamment par une analyse économique du droit, quelle approche semble la mieux servir les différents intérêts mis en balance. Il s'agit donc de réfléchir au rôle que doit jouer le droit dans la construction d'une économie numérique à la fois innovante, respectueuse de la vie privée et en portant la confiance de tout un chacun. Ensuite, et deuxièmement, puisque la vérité est peut-être quelque part entre ces deux approches, il s'agit de proposer des pistes d'harmonisation pour tenter d'offrir une réponse non plus locale et divergente, comme actuellement, mais unifiée à des problématiques dématérialisées et décidément sans frontières. Merci beaucoup pour cette brillante présentation, Joanne Gandelot. Une réaction peut-être, Anne Debay, à cette comparaison, en tout cas, entre ce que le RGPD va permettre aujourd'hui sur le sol européen par rapport au Cloud Act aux États-Unis. La comparaison est vraiment passionnante, mais c'est vrai que je ne sais pas si on va réussir à trouver des points communs et des points de rapprochement possibles au vu des divergences existantes entre nous. C'est effectivement un travail ambitieux. Antoinette Rouvroy. Oui, alors effectivement, je trouve la comparaison très très intéressante, surtout qu'aux États-Unis, le mouvement qui est notamment mené par Richard Posner, Richard Epstein, c'est le mouvement Law and Economics, et qui soumet l'évaluation du droit à, le critère d'évaluation de la réussite du droit, en quelque sorte, c'est la prospérité économique. Et donc, vous voyez là une approche qui est totalement en contraste avec l'approche des droits de l'homme, très déontologique, et pas conséquentialiste du tout, très déontologique européenne. Et donc, c'est extrêmement intéressant, et je trouve que c'est vraiment le... vous arrivez avec votre étude à point nommé dans un paysage académique et politique et juridique qui n'attend que vous. Peut-être une place au FNRS bientôt pour vous, Joanne. Peut-être un dernier mot de vous deux, peut-être, si vous aviez juste un conseil aujourd'hui, parce que comme on voit, ces questions sont extrêmement complexes aujourd'hui, un conseil à donner aux auditeurs qui ont une vie numérique classique, entre guillemets, pour juste protéger, faire attention, surveiller un peu, un conseil d'éducation numérique, quel serait-il, Anne Debay ? Juste de réfléchir avant de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. De vraiment réfléchir à dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que je souhaite que les informations que j'ai publiées, elles restent disponibles et accessibles. Une information temporelle, donc Antoinette Rouvroy, en un mot. En un mot, moi je dirais limiter au maximum la prolifération des données qui est mauvaise pour l'environnement. Mais comment faire ? Comment faire ? Comment je fais, moi, Nicolas Martin, pour éviter de proliférer ? Alors, pour éviter de en proliférer... Alors, déjà, vous limitez le nombre d'applications. Se demander de chaque fois, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller cultiver mon potager ? Bon, écoutez, voilà le conseil d'Antoinette Rouvroy. Plutôt la tomate que Candy Crush sur Facebook. En tout cas, si vous voulez retrouver Antoinette Rouvroy dans un format plus court, plus condensé, pour savoir exactement comment vous comportez sur Internet, vous pouvez, puisque c'est mercredi, retrouver les idées claires sur les sites de France Culture et de France Info et sur les réseaux sociaux les fameux Facebook de France Info et de France Culture, les idées claires, vous savez, toutes les semaines, c'est une grande question que nous essayons de déconstruire, une idée reçue, un régime de fausses informations. Aujourd'hui, on essaie de répondre à « avons-nous cédé toute notre vie privée à Internet ?» C'est avec Antoinette Rouvroy et c'est sur Internet précisément. Merci beaucoup à Joanne Gondolo, merci Anne Debay, merci Antoinette Rouvroy, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Dienab Sangaré à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique. Dans un instant, c'est le troisième épisode de la série documentaire « L'art dégénéré » par Christine Le Serre et Franck Lilin. Tout à l'heure, 18h20, du grain à moudre, les quartiers populaires ont-ils la solution à leurs problèmes avec Hervé Gardette? Et pour ce qui nous concerne demain, retour à la préhistoire, nous parlerons d'une liaison brûlante qui a certainement contribué à faire de nous ce que nous sommes. Nous parlerons de l'histoire de la domestication du feu. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.